L'agence de presse Chine Nouvelle et le réseau chinois Information ont condamné les 30 et 31 juillet la décision injuste des États-Unis et de la Corée du Sud sur la disposition de SAD.